Chapitre 5. Jeunesse et vieillesse de la Terre. Nous touchons à la dernière objection sur l'origine moderne du globe. On dit « la Terre est une vieille nourrice dont tout annonce la caducité. Examinez ses fossiles, ses marbres, ses granites, ses laves, et vous y lirez ces années innombrables, marquées par cercles, par couches ou par branches. Comme celle du serpent à sa sonnette, du cheval à sa dent, ou du cerf à ses rameaux. Cette difficulté a été 100 fois résolue par cette réponse. Dieu a dû créer, et a sans doute créé le monde, avec toutes les marques de vétusté et de complément que nous lui voyons. En effet, il est vraisemblable que l'auteur de la nature planta d'abord de vieilles forêts et de jeunes taillis, que les animaux naquirent, les uns remplis de jour, les autres parés des grâces de l'enfance. Les chênes, en perçant le sol fécondé, portèrent sans doute à la fois les vieux nids des corbeaux et la nouvelle postérité des colombes. Vers, chrysalides et papillons, l'insecte rampa sur l'herbe, suspendit son œuf d'or aux forêts ou trembla dans le vague désert. L'abeille, qui pourtant n'avait vécu qu'un matin, comptait déjà son ambroisie par génération de fleurs. Il faut croire que la brebis n'était pas sans son agneau, la fauvette sans ses petits, que les buissons cachaient des rossignols étonnés de chanter leurs premiers airs, en échauffant les fragiles espérances de leur première volupté. Si le monde n'eût été à la fois jeune et vieux, le grand, le sérieux, le moral disparaissaient de la nature, car ses sentiments tiennent par essence aux choses antiques. Chaque site eût perdu ses merveilles. Le rocher en ruine n'eût plus pendu sur l'abîme avec ses longues graminées. Les bois, dépouillés de leurs accidents, n'auraient point montré ce touchant désordre d'arbres inclinés sur leurs tiges, de troncs penchés sur le cours des fleuves. Les pensées inspirées, les bruits vénérables, les voix magiques, la sainte horreur des forêts, se fussent évanouis avec les voûtes qui leur servent de retraite. Et les solitudes de la terre et du ciel seraient demeurées nues et désenchantées, en perdant ces colonnes de chêne qui les unissent. Le jour même où l'océan épandit ses premières vagues sur ses rives, il baigna, n'en doutons point, des écueils déjà rongés par les flots, des grèves semées de débris de coquillages, et des caps décharnés qui soutenaient contre les eaux les rivages croulants de la terre. Sans cette vieillesse originaire, il n'y aurait eu ni pompe, ni majesté dans l'ouvrage de l'Éternel, et, ce qui ne saurait être, la nature dans son innocence eût été moins belle qu'elle ne l'est aujourd'hui dans sa corruption. Une insipide enfance de plantes, d'animaux, d'éléments eût couronné une terre sans poésie, mais Dieu ne fut pas si méchant dessinateur des bocages d'Éden que les incrédules le prétendent. L'homme roi naquit lui-même à 30 années afin de s'accorder par sa majesté avec les antiques grandeurs de son nouvel empire. De même que sa compagne compta sans doute 16 printemps, qu'elle n'avait pourtant point vécu, pour être en harmonie avec les fleurs, les oiseaux, l'innocence, les amours et toute la jeune partie de l'univers. Fin du livre 4e.